Le principe de la volonté, de l'intelligence et de l'amour. Avertissement par rapport aux propos tenus dans le cadre de cet enregistrement. Je ne demande pas de croire ce qui est dit, mais plutôt de vérifier par vous-même si cela est réel avec votre ressenti ou votre intellect. Bonne écoute! L'individu qui se conscientise est appelé à intégrer ces principes que sont la volonté, l'intelligence et l'amour dans sa vie de tous les jours, d'une manière pratique dans son quotidien, et c'est à travers l'intégration de ces principes-là qu'il intègre simultanément l'énergie de sa contrepartie cosmique, c'est-à-dire son esprit, qui va être en relation avec le développement de sa personne réelle, qui va s'articuler, qui va se construire en fonction de ces principes abordés. Tout d'abord, pour installer une nouvelle vibration dans sa vie, la personne doit être capable, dans un premier temps, de l'apercevoir. Donc, autrement dit, l'intégration de ces trois principes ne peut se faire que chez l'individu qui est capable de vivre un contact conscient avec son esprit, c'est-à-dire une communication télépathique avec le double qui lui permet d'accéder à l'énergie de la réalité. Sans sa perception de l'énergie réelle venant du plan mental, eh bien l'individu ne peut pas l'intégrer dans sa vie. Donc, lorsqu'il aperçoit cette énergie, eh bien par la suite, il peut exercer sa volonté pour agir en relation avec cette dernière. Donc, autrement dit, au lieu d'être sous l'influence de l'énergie qui le rattachait jusqu'alors au plan astral, au plan de l'âme, eh bien, à ce moment-là, en percevant l'énergie du plan mental, il a la possibilité d'agir autrement dans sa vie. Donc, il peut agir en fonction d'une vibration mentale, et pour pouvoir avoir ce type d'action, eh bien, ça lui prend une volonté, parce que la volonté va lui permettre de faire une action nouvelle. Donc, en exprimant une certaine détermination pour faire une action qui est différente de celle qu'il faisait spontanément dans le passé en relation avec l'énergie astrale qui était la seule qu'il était en mesure de percevoir, étant donné qu'alors il ne vivait pas la fusion avec le plan mental qui lui donne aujourd'hui accès à ce type d'énergie. Donc, autrement dit, pour vous en donner une illustration concrète, c'est que lorsque l'individu est inconscient, il agit en fonction de programmation astrale, de programmation culturelle, de programmation sociale, de coutumes, de croyances, de dogmes, donc de différents éléments extérieurs à lui. Ça peut être la publicité aussi. Et puis, à ce moment-là, l'individu n'a pas nécessairement de volonté réelle parce que il n'a pas développé une individualité en relation avec l'énergie individuelle qu'est son esprit. Donc, autrement dit, lorsque l'individu est inconscient, il n'a pas la possibilité d'agir consciemment parce qu'il ne perçoit pas l'énergie du plan mental. Lorsqu'il commence à se conscientiser, eh bien, il peut exercer sa volonté pour faire une action qui va en divergence du conditionnement social qu'il a connu jusqu'alors pour s'en émanciper. Donc, autrement dit, quelqu'un, par exemple, dans un contexte donné, peut avoir passé son enfance à manger de la viande. Ses parents l'ont éduqué à manger de la viande. Et puis, machinalement, cette personne-là va reproduire ce comportement qu'elle a connu dans son passé sans se poser de questions. Puis, à un moment donné, la personne est mise en relation avec le plan mental. Et puis, ce qui peut arriver, c'est que l'esprit lui dise d'arrêter de manger de la viande ou de diminuer sa consommation. Donc, autrement dit, ça lui parle intérieurement pour agir d'une manière qui diverge de celle qu'il a connue dans son enfance. Et si l'individu est capable de manifester une volonté en relation avec l'énergie du plan mental, eh bien, si ça lui dit intérieurement d'arrêter de manger de la viande, il va être capable de s'exécuter sur le plan matériel et d'arrêter de manger de la viande. Et pourquoi ça prend une puissance de volonté ou une force? C'est qu'il doit être capable de faire fi du conditionnement et des mémoires anciennes qu'il connaissait jusqu'alors qui lui amenaient à avoir un comportement d'une certaine façon. Donc, pour installer un comportement nouveau qui diverge d'un comportement ancien, il faut être capable de manifester une force de volonté suffisamment grande pour remettre en question le comportement ancien et avoir cette force de volonté pour persévérer dans ce changement de comportement en vue qu'il y en ait une intégration. Donc ça vous donne une mesure du principe de la volonté qui consiste tout simplement à percevoir une action intelligente sur le plan vibratoire en relation avec une pensée qu'il reçoit de l'esprit et ensuite d'agir en conséquence et d'être capable de se maintenir dans le temps sans faire de rechute parce que quand une personne veut installer une vibration nouvelle dans sa vie, eh bien, la vibration ancienne, c'est-à-dire du plan astral qui peut vouloir garder ses droits, ben, elle va présenter des résistances au changement. Et donc, l'individu peut être tiraillé entre la vibration qui provient de l'esprit et celle qui provient de l'âme. Donc, entre la nouveauté et l'ancien. Et puis, à ce moment-là, pour être capable d'apporter un changement, puis de se libérer d'une ancienne mémoire, ça prend une capacité d'agir en fonction d'une vibration nouvelle et de s'y maintenir dans le temps, ce qui demande une certaine force de volonté pour installer tout ça. Bien entendu, ce n'est pas parce que quelqu'un reçoit une idée qui est nouvelle qu'elle est nécessairement intelligente. En ce sens que quand je parle d'intelligence dans les trois principes, c'est la capacité d'individu de faire preuve de discernement par rapport à déterminer à l'égard de quelle chose il va manifester sa volonté. En ce sens que quelqu'un peut recevoir des idées qu'il n'a pas, mais si les idées ne sont pas chargées d'une vibration qui permet en fait à l'individu de ressentir un état de plénitude, ça ne sert à rien. Donc, autrement dit, le changement qui est en relation avec l'exercice de la volonté auquel je fais allusion présentement, c'est un changement à la différence de la psychologie qui sert à adopter des changements au niveau de la forme. C'est un changement en profondeur parce qu'en relation avec une vibration, et comme la vibration peut être changeante, c'est possible que quelqu'un apporte un changement à un moment donné de sa vie, puis quelques mois plus tard ou quelques années plus tard, la vibration change encore et la personne doit à nouveau modifier son comportement. Parce que de la vibration, ça occasionne des ajustements perpétuels, donc il n'y a pas nécessairement de fixité dans la vibration. Donc, autrement dit, la personne qui développe sa volonté pour agir en fonction d'une vibration, il doit développer l'intelligence pour avoir le discernement, pour savoir quand agir, pendant combien de temps, et surtout quand qu'il ne doit pas agir non plus. Donc, c'est subtil par rapport à l'exercice de la volonté, parce que dans certains cas, de passer à l'action, c'est plus utile que nuisible en vertu de l'évolution de l'individu, et dans l'autre cas, ce n'est pas le cas du tout. Donc, ça prend un jugement, mais si, au lieu que le jugement s'appuie strictement sur une analyse intellectuelle au niveau de la forme, c'est un jugement qui doit s'appuyer sur une lecture vibratoire qui doit remplacer l'analyse intellectuelle. Bien entendu, si la personne n'a pas accès à la lecture vibratoire, mieux vaut qu'il procède avec une lecture intellectuelle pour être capable de prendre des décisions dans sa vie à partir de laquelle il va agir et exercer la volonté que de rien faire du tout. Par contre, la volonté en termes de principe énergétique, c'est une puissance. Lorsque l'individu agit avec une volonté qui est de nature vibratoire, une volonté qui est réelle, eh bien, il va ressentir une énergie qui va passer à travers lui, qui va le dynamiser. Donc, l'une des propriétés de l'exercice de la volonté qui est réelle, c'est que ça permet à la personne d'exprimer une énergie qui va lui apporter une vitalité qu'il n'aurait pas s'il exprime une volonté qui est en relation avec le plan astral, l'ego et l'orgueil. Parce qu'à ce moment-là, la volonté ne sera pas mue, ne sera pas soutenue par une énergie aussi forte, aussi vibrante que celle qui provient du plan mental. La volonté va se raffiner avec le temps en fonction de l'exercice de l'intelligence. C'est un petit peu comme l'art, que ce soit la musique. Donc, par exemple, quelqu'un qui fait des cours de guitare et qu'il apprend à jouer de cet instrument de musique, eh bien, sa maîtrise va s'améliorer dans le temps à mesure qu'il va pratiquer et voir des nuances et va exercer son art musical en jouant de l'instrument. Donc, la volonté, c'est la même chose. Donc, autrement dit, la volonté se raffine dans le temps en relation avec l'intégration du principe de l'intelligence qui repose sur le discernement. Ici, l'intelligence, ce n'est pas une question d'accumulation de savoir de nature intellectuelle à la manière d'une encyclopédie, mais plutôt dans la capacité de jugement. Et puis, par la suite, avec la volonté et l'intelligence, éventuellement, l'être humain doit intégrer l'amour pour être capable de respecter les autres êtres humains. Parce que quelqu'un peut être extrêmement intelligent, avoir une très grande force de volonté, mais s'il n'a pas le principe de l'amour, il va créer des chocs inutiles à d'autres êtres humains. Parce qu'il risque de manquer de respect et d'être dominant. Donc, autrement dit, l'amour ici, c'est en relation avec l'être humain et ce n'est pas en relation avec le rapport avec des entités invisibles parce que l'être humain n'a pas, surtout pas, à mettre sur un piédestal, que ce soit d'autres êtres humains ou des êtres qui se rapportent à l'invisible comme des entités, parce que sans ça, il peut être influencé par eux négativement et où il se met en position de vulnérabilité à leur égard. Parce qu'il leur donne beaucoup d'importance et c'est en donnant beaucoup d'importance à autrui, en lui donnant une forme d'amour au niveau émotionnel, au niveau astral, que l'être humain peut par la suite être manipulé. Donc autrement dit, le principe de l'amour, c'est un principe qui est en relation avec la volonté et l'intelligence. Parce que pour manifester l'amour, il faut avoir une volonté d'agir concrètement dans la matière en fonction d'une vibration qui est haute plutôt qu'une vibration qui est basse et astrale. Donc, ça prend une puissance de volonté et ensuite, ça prend une intelligence pour savoir qu'est-ce qui est la manifestation de l'amour réel plutôt que qu'est-ce qui ne l'est pas. Ce qui est important de comprendre, c'est que ces trois principes auxquels je fais allusion sont interreliés. En ce sens que l'intégration du principe de la volonté va favoriser l'intelligence et vice-versa, même chose par rapport à l'amour à l'égard des deux autres principes. Donc, si quelqu'un a beaucoup de volonté et qu'il n'a pas d'intelligence, il va faire n'importe quoi, n'importe comment. Donc, autrement dit, la personne va agir d'une manière impulsive. Que ce soit en relation avec une vibration astrale ou mentale, et même s'il agit en fonction d'une vibration qui est mentale, si il n'ajuste pas le dosage de la manifestation de la vibration dans la matière, ça peut être plus nuisible qu'utile parce que ça va manquer de respect à l'égard de la sensibilité d'autrui. Si la personne a beaucoup d'intelligence, mais elle n'a pas de volonté, eh bien, ça va faire une personne extrêmement intelligente au niveau théorique, mais elle n'aura pas l'intelligence au niveau pratique d'agir en conséquence. Donc, autrement dit, elle ne passera pas à l'action dans la matière parce qu'elle n'aura pas la volonté d'agir. Elle va être en mesure de faire des lectures vibratoires extrêmement précises, avec beaucoup de finesse, sans pour autant être capable par la suite de s'engager concrètement dans la vie de tous les jours, dans l'action. Ensuite, si la personne a intégré le principe de l'amour, mais elle n'a pas le principe de l'intelligence, eh bien, à ce moment-là, c'est une personne qui va être extrêmement généreuse envers autrui, mais elle n'aura pas l'intelligence qui va lui permettre de savoir quand c'est approprié de donner et quand que ce ne l'est pas. Elle va peut-être, si elle a l'amour, mais pas l'intelligence, elle va peut-être souffrir de sa générosité. En ce sens qu'elle va donner beaucoup plus à autrui qu'elle va recevoir et elle n'aura pas de rapport équilibré avec eux parce qu'elle n'aura pas l'intelligence de mettre ses limites à l'égard de sa très grande générosité. Elle sera alors à risque de s'épuiser. Ensuite, si quelqu'un a le principe de l'amour, et la personne a le principe de la volonté. Donc, c'est quelqu'un qui va être capable de bouger rapidement dans sa vie pour faire preuve de générosité. Par contre, si cette action manque d'intelligence, elle risque d'en souffrir et faire souffrir autrui et qu'éventuellement, cette action doit être réajustée. Entre autres, sa volonté va faire en sorte que ça va être une personne qui va être capable de maintenir dans le temps une décision par rapport à autrui. Parce que la volonté permet aussi de manifester une action qui est durable dans le temps. Plus que la volonté est forte à l'égard, par exemple, de l'expression d'un mouvement en relation avec l'énergie du plan mental, et plus cette énergie, cette volonté a une consistance dans le temps. Alors que si l'individu est instable entre le plan mental et le plan astral, elle va faire le yo-yo, c'est-à-dire qu'elle va passer d'une volonté un peu vibrante sur le plan mental, ensuite elle va retourner sur une vibration astrale, ensuite mentale, ensuite astrale. Donc, il y a une instabilité à ce moment-là de la volonté en relation avec une manque de capacité de contenir l'impact de l'entité astrale qui cherche à l'influencer pour être capable de se libérer de cette influence-là et d'être capable de se censurer au besoin, puis d'être capable de se maintenir dans une position au besoin, sans pour autant, bien entendu, sombrer dans la rigidité qu'il y a à une attitude. Alors qu'ici, il n'est pas question d'attitude en relation avec des formes pensées, des concepts intellectuels, mais plutôt il est question de l'expression d'une vibration qui est suivie en relation avec la vitalité qu'elle peut apporter à l'individu. Si quelqu'un est capable de manifester le principe de la volonté mais sans amour, eh bien à ce moment-là, ça fait quelqu'un qui n'est pas respectueux d'autrui. Donc autrement dit, il va persévérer dans un mouvement à un point tel qu'il va être entêté, mais ça va être au détriment d'autrui. Et ça va occasionner des souffrances. Donc une volonté sans amour, c'est sans respect d'autrui, ce qui veut dire que il va négliger les autres. Par exemple, quelqu'un peut avoir la volonté de développer un nouveau modèle de véhicule automobile, mais il n'aura pas le principe de l'amour suffisamment développé pour traiter d'une manière adéquate ses collègues de travail qui sont impliqués dans des travaux avec lui. Ensuite, la volonté, l'amour et l'intelligence. Une fois que leur intégration va être avancée, l'individu va connaître un raffinement dans l'intégration des subtilités. C'est-à-dire qu'un individu, par exemple, peut voir l'intelligence de partager une information à une personne. Par contre, il va comprendre que, à quelque part, il va devoir respecter son rythme de développement. Et pour ça lui prend une capacité d'amour qui va lui permettre d'avoir la patience de réaliser que même si quelque chose est intelligent, il doit quand même respecter le rythme d'intégration de cette intelligence potentielle par l'individu, ce qui fait en sorte qu'il va avoir une volonté et une certaine continuité dans son comportement en relation avec ses constatations, plutôt que d'agir impulsivement pour lui partager une idée qu'il juge comme étant intelligente. Donc, autrement dit, le principe de l'amour va lui donner une sensibilité à autrui, donc aux autres êtres humains. C'est-à-dire qu'il va tenir compte davantage des autres que s'il ne vivait pas le principe d'amour ou qu'il serait coupé des autres. Ce qui ferait en sorte que l'individu vivrait seulement en fonction d'une intelligence qui provient du plan mental, c'est-à-dire les idées qui sont les plus vibrantes qu'il va percevoir comme étant acheminées dans sa psyché, faisant fi de la capacité de respecter les autres et lui-même dans le processus. Et c'est au fur et à mesure que l'individu intègre ces trois principes qu'il va évoluer dans sa vie et qu'il va être bien dans sa peau parce que le but de l'intégration de ces trois principes, c'est de concourir à la paix mentale.